La musique en partage avec Valérie, chaque mercredi entre 15h et 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes et à tous, Valérie au micro, bienvenue sur Arc-en-Ciel dans votre émission La Musique en Partage. Juste en face de moi, dans le studio de La Technique, se trouve Jean-Pierre qui co-anime l'émission. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ? Salut Val, eh bien ça va très très bien. Alors aujourd'hui, une émission spéciale, hein, nous allons vivre l'esprit de Noël. La petite dernière de l'année. Hein ? Oui, en effet. Cette fête représente aussi la naissance de la lumière, car dans l'Empire romain, le solstice d'hiver tombait un 25 décembre. À l'origine, Noël était la fête du soleil. Ne l'oublions pas, nous sommes liés à la nature. Et comme l'écrivait si bien Guillaume Apollinaire, c'est Noël, et il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est pourquoi nous vous proposons de mettre de la lumière dans vos cœurs en diffusant les plus belles chansons de Noël, histoire de partager quelques instants de joie, de paix et d'amour ensemble. être au rendez-vous. Chaque année en décembre, on sait pourquoi on court. Quand on cherche l'amour, quand on cherche l'amour. Romaine et chrétienne, Noël, qui commémore également Noël, la naissance de Jésus de Nazareth. Alors je vous propose, avec le même élan d'enthousiasme, de fêter le soleil et le Christ, et que cet amour rayonne dans vos cœurs. Chantons Noël en compagnie de Sheila. Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling. Ring-a-ling, hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you'll hear silver bells, silver bells, silver bells. Silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling. Hear them ring. It will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids crunch. This is Santa's big scene, and above all, the bustle you'll hear. Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling. Hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas. Vous avez tous reconnu la voix d'Elvis Presley, nom de Sheila. Jolie voix. Une très jolie voix. Mais quel très... mufle cet Elvis. Très, enfin, quand très même. Mélodieuse, oui. Il a pris la place de Sheila. Enfin, quand même. Mais c'est pas grave, c'était vraiment un beau moment hein, de l'entendre, et puis d'entendre les cloches d'argent comme il les chante. Et c'est Noël en ce moment dans la ville, c'est Noël partout. Donc tout le monde est habillé de fête, les arbres, les rues. Fin. Et donc là, on va vraiment écouter cette magnifique chanson interprétée par Sheila, Glory, Alléluia. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit caresse aux pieds de l'enfant nouveau-né et ce chant comme une source à traverser le pays. Ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né, et ce chant comme une source à traverser le pays. Chantons, mais dansons également grâce à Lindsey Stirling, jeune violoniste virtuose, mêlant influence celtique et musique électrique. Elle a deux passions, le violon et la danse. Et pour cette chanson, elle est accompagnée au chant par la chanteuse et actrice d'origine mexicaine Becky G. Christmas Come On. Gift. quelques jours, c'est Noël, alors je pense que tout le monde a déjà fait son sapin de Noël. Chaque civilisation a un arbre sacré. Les Alsaciens, après la guerre de 1870, ont apporté la tradition du sapin de Noël. Le sapin conifère à feuilles persistantes est un symbole du triomphe de la nature sur l'hiver. On dépose une étoile au sommet, car d'après une légende, de nouvelles étoiles naissent la nuit de Noël. Donc, honorons ce sapin, cet arbre de Noël. Il est couronné d'arc-en-ciel. Alors, petits-enfants, faites la ronde autour de lui, comme le chantent si bien Serge Lama et Francis Cabrel. Je suis un arbre de Noël. Venez, petits-enfants, venez. Ma tête monte jusqu'au ciel. Quelquefois, je peux le toucher. Quand le ciel est bas, qu'il fait triste et que vos rires sont voilés, que les grands sont trop égoïstes, venez, petits enfants, venez. Je suis un arbre de Noël, venez, petits enfants, venez. Je suis couronné d'arc-en-ciel, de guirlandes et d'anges dorés. Quand les guignols vous épouvantent et que vos jouets sont cassés par des carabosses méchantes, venez, petits enfants, venez. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfants de nos prières, enfants tout frais d'hier, enfants que la lumière voit. Un arbre de Noël, venez, petits enfants, venez. L'espoir vous fait la courte échelle jusqu'à l'étoile du berger. Lorsque vous glissez sur la neige, sachez qu'au milieu des dangers, il y a un arbre qui vous protège. Venez, petits enfants, venez. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfants de nos prières, enfants tout frais d'hier, enfants que la lumière voit. Faites la ronde autour de moi, faites la ronde. J'entends vos cœurs, j'entends vos voix qui me répondent. Sachez que mon vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra vos cris de joie au bout du monde. Enfant de nos prières, enfant tout frais d'hier, enfant que la lumière envoie. Faites la ronde autour de moi. On fait la ronde. Entends le cœur, entends le voix qui te répondent. On sait que ton vieil autrefois jamais ne gronde. Qu'on entendra nos cris de joie au bout du monde. Enfant de nos prières, enfant tout frais d'hier, un arbre de Noël, je suis un arbre de Noël. Nous ne pouvons conter l'histoire musicale de Noël sans évoquer les reines du Père Noël et surtout le reine au nez rouge, Rudolphe. Avant, le traîneau du Père Noël était tiré par 8 reines. Mais c'était sans compter Rudolphe qui, grâce à son nez rouge d'une luminosité incroyable, va guider notre cher Père Noël durant sa distribution de cadeaux. La popularité de Rudolphe a grandi grâce à la chanson écrite en 1939 par Johnny Marks et interprétée par Bing Crosby. Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Is it Herman? No. Is it Sherman? No. Is it Eddie? Is it Freddy? No. Is it Hart? Is it Schaffner? Is it Mox, perhaps? Oh, you'll never, never guess it. Don't snap your cap. Talking about Rudolph the red-nosed reindeer. Oh, him. Had a very shiny nose. So I've heard. They say if you ever saw it, you would even say it glows. Like a hot radish. All of the other reindeers used to laugh and call him names. Rudolph is a red nose. house. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, I say Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved him, and they shouted out with glee, Rudolph, Rudolph, Rudolph! Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history with his pink proboscis, his hairy snoot, his bugle that glowed like a light at your root. With his pink bazoo, he guided the sleigh. He's a hero! Why, Rudolph saved the day. Yeah. Rudolph has got his red nose in the Reindeer Hall of Fame. Rudolph's the red-nosed favorite of the little reindeer dames. Rudolph's the North Pole big shot, rides around in Santa's sleigh. Wearing a green fedora, smoking a cigar all day. This story has a moral. See. Just keep your red nose a-gleaming, you go down in history. If you keep your nose a red, red rose. If you keep your beak all pink and sleek. And if you keep your snars maroon, because you'll go down in history. Jean-Pierre, d'évoquer les reines du Père Noël, tu ne crois pas que ça veut dire que Noël s'en vient, comme le disent si bien les Québécois? Comme le disent les Québécois, c'est bien que c'est vrai que c'est vraiment une expression à eux, ça, hein, le Noël qui s'en vient. Oui, ben écoute, on va s'écouter une petite chanson écrite par deux cousins québécois. Alors ça fait rire, hein, deux cousins québécois, mais ce sont de vrais cousins québécois qui racontent cette petite toune, le temps de Noël, où l'on retrouve notre âme d'enfant, tu sais bien. Noël s'en vient et c'est magique. McEnroe d'abord, donc, qui chante Noël s'en vient, et puis après Guylaine Tanguay dans une très jolie valse de Noël. Astérix, Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est la valse de Noël qui tourne, tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin est lumineux jusqu'à l'aurore, jette son parfum si doux, Noël. Les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets, Noël. La neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous, Noël. Et les carillons joyeux résonnent à tout son cœur, Noël. De Noël qui tourne, tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin illumine jusqu'à l'aurore, jette son parfum si doux, Noël. Les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets, Noël. La neige qui tourbillonne, qui danse dans l'air en retombant sur nous, Noël. Et les carillons joyeux résonnent tout son cœur, Noël. C'est la valse de Noël qui tourne, tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Une jolie valse de Noël chantée par Guylaine Tanguay. C'était bien joli. Et puis juste avant, McEnroe. Oui, merci beaucoup, hein, Jean-Pierre. C'est la fête dans le cœur, en effet. Oui, le temps des fêtes et des célébrations est là. C'est le temps pour chanter les chansons de Noël. Et toutes les chansons que vous aimez entendre sont sur Arc-en-Ciel. Alors je vous souhaite, à la manière de Chicken Stevens, Merry Christmas, everyone. Sweet. que la neige sur Orléans pour que ce Noël ressemble à un Noël blanc. Les plus belles chansons de Noël sont sur Arc-en-Ciel. Et fêter Noël dans notre compagnie, ce n'est pas tout à fait fini parce que Dalida et Toto Cutugno nous font le plaisir de chanter une chanson, une dernière chanson de Noël au piano, White Christmas, c'est-à-dire Noël blanc. Pardon. Joyeux Noël à tous. Buon Natale. Vous pouvez fredonner avec nous si vous le connaissez. Oui, surtout. Rien de tel que d'écouter cette sublime chanson pour tomber dans la magie de Noël. Une adaptation de Francis Blanche de White Christmas. Et que c'est émouvant d'écouter Jean Vallée, Dalida et Toto Cutugno. Tu trouves pas, Jean-Pierre? Absolument, c'était un document. Vraiment, allez, vrai, maintenant, c'est vrai. Nous partons du côté des tropiques découvrir comment on peut fêter Noël. Et je crois que grâce à la compagnie, Noël aura des allures créoles. Ce soir ensemble on va chanter. en chanson. Dans le bleu d'un ciel de décor, je me suis éveillé, loin, très loin de mon beau pays, que des cendres blanchies. Je suis là dans ce paradis, seul, tout seul, sans amis. Noël des tropiques, malgré ton soleil, Noël des tropiques, tu n'es pas un vrai Noël. Je revois mes Noëls d'antan, où dansait devant moi la maison sous son manteau blanc, le sapin plein de joie. Mais ici les petits enfants n'ont pas de cheminée pour pouvoir y poser devant ce soir-là leur soulier. Noël des tropiques avec ton soleil, Noël des tropiques, tu n'es pas un vrai que Papa Noël ne serait jamais noir. Et pourtant, là-haut vers le ciel, monte le même espoir. Cette nuit au-dessus de moi, une étoile a brillé. C'est la même que tout là-bas, ton cœur a regardé. Noël des tropiques, malgré ton soleil, Noël des tropiques, tu es quand même Noël. Que serait Noël sans la voix de Tino Rossi? Allez, maintenant un petit moment tendresse sur Arc-en-Ciel, une petite berceuse pour endormir vos petits-enfants le soir de Noël. Dors, petite sœur, et n'oubliez pas, une étoile veille sur nous. En effet, cette étoile se trouve dans notre cœur à tous. Dors, petite sœur, ta main au creux de la mienne. Dors, petite sœur, une étoile est dans ton cœur. Maïa, tu entends ton grand frère qui chante? Cette nuit sonne Noël. Papa là, petite sœur, tu souris lorsque je chante. Dors, petite sœur, ton sourire est dans mon cœur. Là, tu vois, mon chéri, elle va s'endormir. Car cette nuit sonne Noël. Tu verras la neige. continuer notre programme musical, car c'est enfin Noël dans quelques jours. Alors sourions à la vie. Oui, Valérie, c'est à moi, hein ? Oui, bien sûr. C'est à moi. Eh bien, écoute, on va rester, parce que tu vois, moi, elle était tellement jolie, cette petite chanson que tu nous as passée. J'ai bien vu que tu commençais à t'endormir également. J'avais un petit peu décroché. Et en fait, je vais, moi, rester un petit peu dans ce même registre, si tu veux. La chanteuse est une petite maman qui a donné naissance à son troisième enfant en ce début d'année 2019. Elle s'appelle Mélissa Bédard, elle est québécoise, bien entendu. Et ma foi, c'est bien naturel qu'elle ait envie de chanter Noël, bien sûr, pour ses petits, mais aussi pour nous, hein, pour nous tous. Et elle le fait avec un grand talent. Et puis, on enchaînera avec, pour un petit peu se donner du tonus, avec le swing du groupe BBQ. Flocons dansant le ciel, quand les rues de lumière étincellent, la nostalgie m'envahit. Et je me souviens quand mes parents me fredonnaient d'être sage toute la journée. Le Père Noël n'allait pas tarder. À présent, je ne suis plus une enfant. Comment des refrains chantés à tue-tête autour du sapin en fête. Mais tout a changé, le temps veut tout emporter. Cet amour qui nous comblait veut disparaître dans le passé. À présent, je ne suis plus une enfant, je veux bien sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Valérie. Je vous souhaite un joyeux Noël. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight. Bayou, bayou, bayou, bayou. Souvenir de douce nuit. Si loin de tout, mais mon cœur reste a merry little Christmas now. Yourself a merry little Christmas. Le trio BBQ. T'as vu Valérie? Je l'ai dit. Non, mais amis auditeurs, il faut que vous sachiez. Parce que Valérie s'amuse à écrire tout petit dans la case de la playlist. Et elle me dit dans l'oreille, mais dis donc, t'as pas donné le titre. En off, c'est vrai que je. Ah, voilà. Ça. Bon, c'était le trio BBQ. Non, mais de toute façon, tout cela n'est pas vrai, hein, bien sûr. Tu ne l'as pas fait exprès, c'est simplement que la case est petite. Hein? Oui, je voulais vraiment arriver à tout mettre. Trio BBQ, et juste avant, une très jolie chanson de Mélissa Bédard pour ses trois petits marmots. Oui, et une très très jolie chanson. Allez, nous vous souhaitons un joyeux petit Noël. Et que désirer de plus que de partager de bons moments avec les gens qu'on aime et par-dessus tout avec la personne qu'on chérit plus que tout au monde, comme le chante Mariah Carey. Tu sais ce qu'elle veut pour Noël ? Non, tu vas me le dire. Eh bien, tu vois, parce que la case est vraiment très petite aussi. All I want for Christmas is you. Oh là là, quelle classe, Valérie. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come. All I want for Arc-en-ciel, il est 16h. La musique en partage avec Valérie, chaque mercredi entre 15h donc et 17h. Émission spéciale Noël aujourd'hui, Valérie. Oui, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Donc la musique en partage consacrée aux plus belles chansons de Noël. Alors, on va passer encore une heure à découvrir ou redécouvrir eh bien, de magnifiques chansons. On va repartir également du côté Québec, parce que tu nous as trouvé quelques nouveautés également. Les dernières petites chansons de l'année, oui. Québécoises. Et là, on commence cette deuxième partie d'émission. Je vous propose d'écouter une petite nouveauté de Noël interprétée par 5 artistes. Chanson composée par Monsieur Capello. Le collectif a décidé d'offrir cette chanson aux enfants hospitalisés. Alors laissons-nous entraîner dans cette folie de Noël. Une belle chanson au rythme rock gospel. Une chanson pour chanter et pour danser. La folie de Noël, Noël. Il y a dans le ciel d'une étoile se rapproche en fin d'année. C'est toujours le même message, des lumières aux mille reflets. Alors avec des amis, on chante et on crie. C'est la fête de partout, même dans les villages perdus, les lumières dans la joie, à chaque recoin de rue. Merry Christmas, Merry Christmas. Folie de Noël continue, Jean-Pierre, car j'entends tinter les cloches et je n'ai pas entendu les cloches d'argent d'Elvis tout à l'heure, mais celles-ci, je pense qu'elles ont un son un peu plus rock, tu trouves pas? Ah, je crois, oui. C'est même le rock hein, de la cloche qui teinte, et bah, c'est Jingle Bell Rock, donc, qui a été publié en 1957 par le chanteur américain Bobby Helm. Les sons teintés. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air. What a bright time, it's the right time. Now jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Now giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingle and beat, that's the jingle bell rock. All right! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells shine in jingle bell time, gliding in a one-horse sleigh. Now giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. We mix and mingle in a jingle and beat, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Oui, une très très jolie chanson, hein, donc écrite par Bobby Helm, un chanteur de country, et interprétée aujourd'hui par Bobby Sherman. Alors là, on va se calmer un petit peu, hein, un petit moment également tendresse, hein, on va écouter une très très belle interprétation de la chanson Feliz Navidad, interprétée par Tarja Turunen. Donc c'est une chanson de Noël au style plutôt pop. Donc cette chanson fait partie des 25 chansons les plus chantées de la planète. I wanna wish you Alors je pense que tout comme nous, hein, des frissons vous sont apparus en écoutant Tarja Turunen, donc cette Finlandaise hein, qui a une tessiture de 3 octaves. Valérie, je t'accorde au nom des auditeurs le prix de la meilleure découverte pour ce Noël 2019. Oui, parce que ça c'est quand même géant. Oui, ça c'est assez impressionnant de l'écouter en effet, on se laisse vraiment transporter avec elle donc dans cette joie de Noël. Une interprétation formidable. Bon, alors côté Québec, on va découvrir des petites choses aussi. Je te propose de découvrir Tino Iso. Tino Iso est bien connu au Québec pour son travail, la qualité de son travail, un travail d'orfèvre auprès des plus belles voix de la belle province, Céline Dion, Garou et quelques autres. C'est un guitariste et plus encore, disons multi-instrumentiste, Tino Iso. Le touche-à-tout, Tino Iso, le touche-à-tout de talent qui s'est fait plaisir avec ce premier Noël, qui est donc le titre sorti de cet album. Et on enchaînera après avec François Léveillé. Alors François Léveillé, on va dire que c'est un habitué des Noëls sur Radio Arc-en-Ciel. Je ne peux pas m'empêcher de passer cette chanson. La classe à l'état pur, ce sera ta part, Valérie, la part des anges. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Valérie, je vous souhaite un joyeux Noël. C'est vrai qu'elles passent vite les saisons, que le temps souffle à plein poumon sur les aiguilles de l'horloge. Mais toi, le temps ne te dérange pas. Tu sais lui imposer ta loi comme le plus beau soleil d'octobre. C'est vrai, les enfants grandissent trop vite, le quotidien se précipite comme un tourbillon d'automne. Mais toi, tu sais toujours d'où vient le vent, tu sais profiter du courant. Tu te vas et tu t'abandonnes. Tu es ma muse intemporelle, l'amour aux parfums éternels. Comme à la saison des vendanges, tu nous donnes ta part des anges. C'est vrai, il y a parfois la fatigue, la peur de perdre l'équilibre dans cette course contre la montre. Mais toi, chaque jour te donne la foi et nous te suivons pas à pas. Avec toi, rien n'est monotone. C'est vrai, il y a les rides qui s'étalent, qui devient banal, et les instants de solitude. Mais toi, quand le temps coule entre tes doigts, ta nature reprend ses droits, le bonheur prend de l'altitude. Tu es ma muse intemporelle, l'amour aux parfums éternels. Comme à la saison des vendanges, tu nous donnes ta part des anges. L'amour aux parfums éternels, comme à la saison des vendanges, tu nous donnes ta part des anges. Une chanson pleine de beaux sentiments. La part des anges, c'était François Léveillé, juste avant Tino Iso. Eh bien, merci beaucoup. Quand il y a des petits anges, c'est que c'est Noël. Oui, et restons avec les anges, hein, si tu le veux bien. Connais-tu la légende de la rose de Noël? Ah non, mais peut-être que tu vas me la donner, cette légende. La nuit de la naissance de Jésus, les rois mages étaient en marche, les bras chargés de présents. Seulement, une jeune bergère pleurait de n'avoir rien à offrir au nouveau-né. La légende raconte que la rose de Noël naquit du toucher d'un ange qui effleura la terre pour la faire éclore. Ainsi, la belle bergère put offrir cette rose d'une éclatante beauté. Et cette rose de Noël, je vous l'offre, vous qui nous écoutez. Elle est belle, ta légende, Valérie. On dit qu'il y a très longtemps, pour sécher les larmes d'un enfant, un ange ouvrit son violon d'argent et sous ses doigts fit voler des arpèges. L'enfant cette nuit-là pleurait car lui seul n'avait pas de jouet. Alors l'ange avec son archet d'un coup magique fit naître sur la neige des roses de Noël, des roses de Noël, des roses magnifiques comme on n'en voit jamais. Et devant cela l'enfant fut émerveillé, mais quand le jour fut enfin réveillé, il ne vit rien dans ses souliers et comprit bien qu'il n'avait vu qu'en rêve des roses de Noël, des roses de Noël, des roses magnifiques comme on n'en voit jamais. Chanson de Noël, chantée par Claude François, est juste un petit clin d'œil au Père Noël, afin qu'il n'oublie personne. Et pas forcément besoin de faire de grands cadeaux pour Noël, il suffit simplement de propager de l'amour et de la joie autour de vous. Noël, en chanson. Ça que je t'écris, je voudrais qu'à chacun tu donnes le cadeau qui lui fait envie. Tu sais, il aime les enfants sages et tu n'es pas toujours gentil. Bien sûr, mais je crois qu'à mon âge ils désobéissaient aussi. Nous attendons que minuit sonne. Papa Noël n'oublie personne. Papa Noël n'oublie personne. C'est la première fois que je t'écris. Et les voyages, je ne les ai pas très bien appris. Il n'aime pas les fautes d'orthographe et tu es très, très étourdi. Je sais, mais je crois qu'à mon âge, il devait l'être un peu aussi. Nous attendons que minuit sonne. Papa Noël n'oublie personne. Papa Noël n'oublie personne. En lisant dans ma géographie, il ne faut pas que ça t'étonne. J'ai appris qu'il y a des pays où des enfants n'ont pas la chance d'avoir un papa, une maman. Et c'est à cela que je pense, Papa Noël, en t'écrivant. Et ils attendent que minuit sonne. Papa Noël n'oublie personne. Et ils attendent que minuit sonne. Papa Noël n'oublie personne. La nuit sainte approche. C'est l'heure pour nous d'écouter Minuit Chrétien, Holy Night. Ce chant est devenu sur la terre entière le symbole du profond mystère de cette nuit qui a vu la naissance de l'enfant Jésus. Ce chant est chanté dans le monde entier et également dans les temples bouddhistes, c'est pour dire. Écoutons cette sublime version interprétée par Céline Dion. Christ is Lord. pour cette joie de Noël, merci. Pour les sapins illuminés, merci. Pour ces moments d'enchantement, merci Noël. Pour cette neige dont tu fais des arpèges, pour ce beau sapin illuminé, merci Noël. Pour tous ces rires, ces cadeaux qu'on admire, ces jouets devant la cheminée, merci Noël. Pour l'immense joie d'être réunis cette nuit, pour tous ces yeux d'enfants éblouis, je te dis merci. Pour cette ronde autour du monde, cette joie qui nous tombe du ciel, merci Noël. Ces rires, ces cadeaux qu'on admire, tous ces jouets devant la cheminée, merci Noël. Pour l'humble chapelle, comme une étoile au loin qui luit, pour ces cloches qui chantent la vie, pour la belle nuit, pour ta lumière qui descend sur la terre, pour ton nom à jamais éternel, merci Noël. Pour ton nom à jamais éternel, merci. Mon ami Jean Vallée aurait dit Noël, ça fait chanter la vie. Alors continuons de chanter Noël dans la joie. C'est vrai. Je te propose d'écouter Claire Pelletier. Claire Pelletier est québécoise, mais elle nous chantera un Noël de Basse-Bretagne, un Noël qui nous vient de la région de Vannes. C'est tiré d'un album consacré au chant de la nativité du Québec et d'Europe. Claire Pelletier est passionnée d'histoire de la musique et se plaît à remonter le temps. Camant de Noël, c'est le titre que nous allons écouter et découvrir. On terminera après avec un petit medley proposé par Audrey Gagnon. Thank you. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Presque à nous revoir, Valérie, mais pas encore. Dans quelques minutes. Alors, Audrey Gagnon, on a eu Audrey Gagnon, et puis avant, Claire Pelletier, je crois qu'il faut citer leur nom, parce que ce sont deux chanteuses d'exception. En effet. Alors, le 24 décembre 1818, on remonte, a été chanté pour la première fois en Autriche un chant qui va devenir l'un des plus célèbres chants autrichiens. Ce chant, donc, a été reconnu au patrimoine culturel de l'UNESCO et est devenu un tube planétaire. Je vous propose d'écouter Douce Nuit, Sainte Nuit, chantée par Rogue Voisine. Ô nuit de paix, Sainte Nuit, dans le ciel. L'astre luit dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges. Ils s'en vont adorer leur Dieu. est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Notre émission se termine. Merci beaucoup, Jean-Pierre. De rien, Val. C'est tellement plaisant. C'est un bonheur d'être là. Voilà, pour avoir assuré toute cette technique et puis la co-animation. Alors, ouais. Vous l'avez compris, hein, cette émission avait pour but de rallumer la magie de Noël en vous. Mm-hmm. J'ai une pensée particulière pour les personnes dans la peine, les personnes hospitalisées et pour les personnes seules. Oui, un autre Noël arrive, hein, chanté par Marie-Myriam. Nous vous souhaitons à tous le plus beau Noël possible. À très bientôt et que l'ange de Noël vous protège. Joyeux Noël, Valérie. Et encore un Noël, une année s'en va. Ferons-nous mieux pour celle qui bientôt sera là. Oui, encore un Noël, la joie dans les regards. Oui, encore un Noël, n'est-il pas trop tard? Un joyeux, joyeux Noël, une très bonne année. Prions qu'elle soit enfin celle qui viendra tout changer. Oui, encore un Noël où des enfants meurent. Et encore un Noël dans les cris et la peur. Oui, encore un Noël pour ce monde animal. Un très joyeux Noël pour ces gens qui ont mal. Un joyeux, joyeux Noël, une très bonne année. Prions qu'elle soit enfin celle qui viendra tout changer. Oui, encore un Noël, on veut le fêter avec tout ce qu'on aime et ce qu'on veut aimer.

écoutez Arc-en-Ciel, il est 17h.